Il a le droit de poser ses mains sur ton corps. Il a le droit de respirer ton odeur. Il a même droit au regard qui le rend plus fort. Et moi, la chaleur de ta voix dans le cœur. Et ça fait mal, crois-moi, une lame enfoncée loin dans mon. Même pas l'ombre d'une larme. Et je...